L'avenir du monde, par exemple, vous touche, vous trouble, vous inquiète ou... Bien sûr, l'avenir du monde me trouble. C'est certain. Il faudrait être complètement sourd et aveugle pour ne pas être inquiet. Bienvenue à toutes et à tous. Suivez le guide vous invite à 2, 5 à 7, 2 virées sétoises, 7 dans l'Hérault, nous sommes en Occitanie. 7 compte plus de 43 000 habitants et c'est la ville natale de Georges Brassens, largement évoquée dans cette émission, mais aussi de Paul Valéry, Jean Villard et Manitas de Plata, un ami de Georges. Les amis de Georges étaient un peu anards. 7 est parfois surnommée la Venise du Languedoc pour son canal et sa situation privilégiée avec son littoral de sable fin. Son port de pêche a permis à 7 de prospérer et en 2016, le port a fêté ses 350 ans. À 7, on peut choisir d'aller sur les bords de la mer Méditerranée ou de l'étang de Thau, le plus grand plan d'eau d'Occitanie, avec une superficie de 7500 hectares. 7 Venise du Midi, pour fêter Saint-Louis, tu m'étonnes. La ville de Sète est née en 1666 d'une décision royale et de la volonté de trois hommes. Paul Riquet, fermier général des Gabelles et entrepreneur. Louis XIV et le chevalier de Clerville qui était ingénieur des fortifications. Paul Riquet cherchait un débouché sur la Méditerranée pour le canal du Midi dont il avait entrepris le creusement. Louis XIV avait chargé son ministre Colbert de trouver une rade pour les galères royales et d'y créer un port d'exportation des produits de Languedoc. Colbert confia cette tâche au chevalier de Clerville qui identifia le cap de Sète comme le site le plus approprié pour la création d'un port. Au cours de ce second Suivez le Guide, consacré essentiellement à Brassens, nous parlerons de Georges avec deux de ses amis ou proches, deux Sétois. Le premier est même, pour être précis, un pointu, natif de la Pointe Courte, petit quartier nord sur l'étang de Thau, Jean Brunelin, Jeannot, qui connut bien Brassens, et davantage encore son meilleur ami Sétois, Lolo Spinosi, incontournable à Sète quand on évoque Brassens, dans le cabanon duquel se réfugiait Georges lors de ses escapades sétoises. Et Jeanne Corporon, fille d'Henri Delpont, l'un des meilleurs amis de Georges, un ami d'enfance. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. D'habitude, il m'embrasse là, mais. Déjà, il n'est pas décidé, non ? Pas tellement, non. T'sais, il a peur un peu. Il est cabotin, mais il choisit son public. Jean, vous avez bien connu Georges ? Oui, j'ai bien connu Georges. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est une grande chance. Mais à l'époque, ça s'était fait tellement simplement c'est ça. Que dans la mesure où j'étais de 7, je trouvais ça tout à fait normal d'être ami avec Georges, quoi. Bon, précisons quand même, vous n'êtes pas du tout de la même génération. Hein. Oui, non. Vous êtes beaucoup plus jeune. On n'est pas de la même génération. On a en gros 20 ans d'écart. Hein. Même plus. Georges est né en 21. Alors, vous, en 45, ça fait presque un quart de siècle. Hein. Voilà, je vais vous expliquer en gros comment je suis devenu ami avec Georges. Moi, à l'époque, j'étais photographe. Dans un certain moment, je travaillais à Paris, et je travaillais à Paris Match, parce que le patron de Paris Match, c'était Roger Théron, c'est toi. C'est le patron mythique de Paris Match. Hein. Voilà, et donc comme tous les Sétois, ils allaient frapper à la porte de Roger Théron. Et moi, après avoir galéré un an ou deux à Paris, j'ai réussi à rentrer à Paris Match en allant voir Théron. Donc ça, c'était la Sétoise Connection. Oui, la Sétoise Connection, parce qu'il n'y avait que des Sétois. Et notamment, il y avait un vieux de la vieille de Paris Match qui était vraiment l'ami de Brassens. Le plus proche, c'était Victor Laville, qui vit encore, il est à 7. Hein. Et Victor Laville a travaillé toute sa vie avec Roger Théron à Paris Match. Moi, je travaillais à Paris Match et il m'avait... Bon, j'ai fait mes 68 à Paris et tout. Et il m'avait cantonné à l'Élysée. Et là aussi, j'ai eu la chance de connaître de grands présidents de la République. Hein. Je ne dirai pas lesquels. Et je ne dirais pas qui peut avoir le nom de grand et qui peut ne pas avoir le nom de grand. Donc, nous ne rentrerons pas dans ces détails. Mais vous avez donc connu celui qui était grand par la taille déjà ? Oui, bien sûr. Il m'appelait le Marseillais. Alors je lui disais, mon général, je ne suis pas de Marseille, je suis de Sète. Enfin bref, passons. Alors après, ça a été Poher à l'intérim. Le chauffeur de Poher, c'était un Sétois, c'était un nommé Célier qui était le chauffeur de Poher. Alors quand De Gaulle est mort, aucun journaliste n'avait réussi à avoir le dossier que De Gaulle lui avait remis. Et à Paris Match, le chef de la photo, Walter Caron, qui est un nom connu, je lui ai dit, écoute Walter, moi je vais quand même essayer. Le chauffeur de Poher, c'est un cousin à moi. C'est Maurice Célier de Sète. Je suis allé voir Maurice, j'ai dit, Maurice, ton patron, il faudrait qu'il me fasse un petit interview, je fasse quatre photos. Il n'avait même pas voulu faire aucune photo dans la presse. Et donc, mon cousin Maurice Cellier, il joue la corde sensible. Il dit à Napoer, qui était président du Sénat, il lui dit, écoutez, mon cousin, il débute, là, si vous pouvez lui donner un coup de main. Effectivement, il a accepté. Alors, le matin, je suis allé voir Walter Caron, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je demande à Poer? Il m'a dit, écoute, demande-lui qu'il te montre le dossier que lui a remis De Gaulle. Et ça, je vous le raconte parce que c'est très rigolo. Donc, je lui fais faire tout ce qui m'a été demandé. Et à un moment donné, on est dans le grand bureau de l'Élysée. Et je dis au président Poer, je dis, président, j'ai un petit truc à vous demander. Si vous le faisiez, ça me rendrait service. Je lui sors le papier de Walter Caron, je lui dis, voyez, on me demande que vous me montriez le dossier que vous a remis le président. Le général. Le général. Et là, il se lève, il se tourne vers un placard, il ouvre la porte, il prend le premier dossier venu et il me dit, prenez-moi une photo. Et en pleine page sur Paris Match, les dossiers que lui a remis le général de Gaulle. C'était pas ça, c'est le premier qui lui est venu sous la main. Voilà l'histoire. Là, il était passé mai 68, tout ça, les hippies, moi j'étais devenu hippie, j'avais 24 ans, et j'étais tout à fait convaincu au retour à la nature. Et quand je venais à Sète, j'allais voir un de mes amis, qui était un pêcheur, il vivait dans une cabane, deux pêcheurs, il vivait sans zone d'électricité, c'était un vrai pêcheur à l'ancienne, hein, et c'était Lolo Spinosi, le pêcheur, très connu pour sa connaissance de l'étang, des algues, des animaux, c'était un écologiste avant l'heure, il était très respecté par les pêcheurs, et ce Lolo avait... Comment dirais-je, un grand privilège, c'est d'être l'ami d'enfance de Georges Brassens. Et beaucoup de gens à Sète savaient que Brassens allait des fois passer quelques jours à la cabane et qu'il se cachait chez Lolo, personne ne savait où il était. Ce Lolo vivait tout le temps dans sa cabane. Oui, Lolo vivait tout le temps dans sa cabane. Toute année. C'était sa cabane, mais c'était un grand artiste. Il faisait des sculptures, c'était un grand artiste, c'était une caverne d'Ali Baba. Il y a des grands personnages qui sont allés à la cabane à Lolo, c'est d'ailleurs Brassens qui les a envoyés. Hein. Il y a Salvador Dali qui est venu, il y a Manita était toujours avec nous, enfin bref. Je m'installe chez Lolo, j'habite avec lui, et du jour au lendemain, Lolo m'a dit « tu vas faire la pêche avec moi ». Et moi je rêvais, puisque quand j'étais dans le métro à Paris, ouais. Je rêvais de l'étang d'auto. Et voilà qu'il m'inscrit sur son lot de pêche, et je fais la pêche. Et un jour il arrive à Brassens. C'est une chose normale, puisque tous les ans, ouais, il venait fois ou deux passer une semaine. Mais moi, j'y étais pas. Et là, j'y étais, j'habitais la cabane. Et j'ai vu arriver Brassens. Et Brassens habitait avec moi et Lolo. Et ça s'est reproduit plusieurs fois. Et ça s'est reproduit plusieurs années à la suite. Et Brassens m'appelait chez moi. Il me disait, il y a longtemps que je n'ai pas vu Lolo. Moi, je comprenais qu'il fallait que j'amène Lolo à Paris chez Brassens. Alors, j'avais une méharie à l'époque. Et on montait à Paris en méharie. Ouais, avec les portes qui faisaient. On mettait deux jours. Et on vivait avec Georges. À sa maison, à la rue Saint-Antoine-du-Mont. Et puis, quand il faisait les tréteaux de France sur la côte, on était toujours à les coulisses avec Lolo. On suivait tout le spectacle avec Lolo. On était toujours là. Donc, moi, je peux dire, il est mort en 81, j'ai l'impression, ou 82. Et donc, je peux dire que j'ai côtoyé Brassens de très, très près pendant 10 ans. Et donc, voilà. Et pas du tout dans une vie, enfin, peu dans une vie publique. Enfin, si les tréteaux, c'était dans une vie publique, mais sinon. Oui. Moins dans une vie publique que dans une vie privée, oui, voire vrai. Très privée, puisque c'était quand même un peu se cacher quand il était chez Lolo, il était un peu caché chez Lolo. Oui, mais enfin Brassens était fidèle à Bobino, il était fidèle au Tréteau de France. Moi, et à Lolo. Et à Lolo. Et à d'autres. Moi j'ai eu mené Lolo à Paris, toujours en méharie. Quand Jacques Chancel faisait le grand échiquier, il voulait qu'il y ait Lolo sur le plateau. Et c'est moi qui ai mené Lolo en méharie à Paris, à Jacques Chancel. Moi, je n'étais pas sur le plateau, je n'avais pas droit, mais j'étais derrière. Et Lolo, il racontait que des conneries. Une connerie. Alors, une fois, Chancel lui dit, Lolo, vous êtes le copain Brassens. Alors, il se tourne vers Brassens, il lui dit, oh Georges, tu te rappelles sur la placette, quand on jouait au chevalier, on avait fait des épées avec des bâtons. Et je t'en avais mis un sur le mur, je t'avais ouvert le front. Sur le mur à 7, ça veut dire tire sur la figure. Je te file un coup d'épée, je te ouvre le front. Et voilà, c'est ce, comment parlait Lolo à Brassens, même chez Jacques Chancel. Parce que Lolo, il s'en foutait. Jacques Chancel, il ne savait même pas qu'il était Lolo et pas la télé. Il ne lisait pas les journaux. Quand Brassens, il a amené Lino Ventura chez Lolo, Lolo, il lui a dit, c'est ton nouveau guitariste, ça. Lolo, il ne savait pas qu'il était Ventura. Lolo, il ne savait pas. Et je vais vous dire une chose très vraie et que peu de gens se sont rendus compte. Moi, je le sais parce que j'ai vécu avec Lolo et Brassens. Et Lolo, après, a vécu en réalité 40 ans proche de moi. Il était toujours avec moi. Lolo, on a vécu 40 ans ensemble. Eh bien, Lolo, qui ne connaissait pas tout ce business, il ne savait pas la télé, rien. Georges Brassens, pour Lolo, c'était son ami d'école. Il était monté à Paris. Il chantait des chansons. Mais Lolo n'a jamais compris l'importance de Georges Brassens. Et voilà pourquoi c'était sain. Voilà tout ce que je peux vous dire. Est-ce que c'est vos chansons d'amour, est-ce que je peux dire que c'est où des gens extrêmement jeunes, comme une sœur, des choses comme cela, ou cet amour de vieillard, de bonhomme, oui. C'est une chose admirable. Bah pour les histoires d'amour, je suis assez pudique. Vous savez, je n'aime pas me raconter, ça paraît extravagant, d'être là devant vous, devant des caméras, devant peut-être des gens qui nous écoutent. Je n'aime pas me raconter. Je suis exactement le contraire du type qui aime raconter ses histoires et qui aime se faire voir. Je suis tout à fait le contraire, ça ne m'empêche pas d'être assez orgueilleux, mais enfin, je n'aime pas qu'on raconte mes histoires, je ne tiens pas à les dire. Et comme j'aime quand même écrire des chansons, je triche un petit peu, en ce sens que je dissimule mes sentiments sous des blagues, sous des pierres tombales. Oui, je crois que c'est ça. Et dans les histoires d'amour, je ne parle pas tellement de mes histoires d'amour. Peut-être je fais quelques allusions à mes histoires personnelles, mais elles sont voilées, elles sont déformées pour que personne ne les reconnaisse. Est-ce qu'on aime d'âge, Georges Brassens ? Quel est le bel âge pour vous ? Qui en avez connu, pas tellement encore, mais quelques-uns. Oh, je commence à en avoir connu quelques-uns. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Je crois que tous les âges sont ce qu'on les fait. Ça dépend, ça, des sujets aussi, ça dépend des individus. Dans ce second Suivez le Guide, c'est toi, l'invité d'honneur est Brassens, dont nous parlons avec l'un de ses amis, Jean Brunien. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Et Brassens, il est d'où alors ? Brassens, sa mère fait partie de la communauté italienne. Sa mère est née d'Agrosa. Son père est français, son père est Brassens. Hein. Donc, son père était quand même, sur certains bouquins de Brassens, il faut faire très attention, on dit que c'est le fils d'un pauvre maçon, c'est faux, son père était entrepreneur de maçonnerie, donc ça n'a rien à voir. Son père est français, sa mère vient de la communauté italienne, c'est une d'Agrosa. Et donc il n'est pas de la Pointe Courte ? Non. Brassens est né à la rue Henri Barbuste. Vous pourrez voir sa maison avec la plaque. Dans ses journées, dans ses soirées au cabanon, on parlait de quoi avec Brassens ? Il y avait plusieurs sortes de discussions. Les discussions qui volaient très haut, c'était quand il y avait ses amis René Fallet, quand il y avait Moustache, quand il y avait celui qui comment il s'appelait. Ils étaient trois ou quatre amis très fidèles, c'était toujours les mêmes. Chabrol, Jean-Pierre. Le Sévenol, Jean-Pierre Chabrol. Alors là, c'était des discussions relativement main élevées. Là, on ne parlait plus ni des chordes, ni des gens, on parlait des idées, là, vous voyez. Brassens, en réalité, il parlait assez peu. Il parlait assez peu, mais quand il parlait, les mots, il pesait une tonne, chaque mot, vous voyez. C'était vraiment des mots précis en béton. Mais quand on était entre nous, Lolo, moi et lui, à la cabane, non, ça tournait sur 7, les gens de 7, hein. Ça tournait la pêche, les poissons. Brassens, c'était toujours dans l'eau. Pas du métier, pas de la chanson, pas de la vie parisienne. Pas du métier, parce que ça n'aurait pas intéressé Lolo. Lolo, ça n'intéressait pas. Lolo, il s'en foutait. Lolo, il n'a jamais compris Brassens. C'est comme je vous ai dit, son collègue qui jouait de la guitare à Paris. Et c'est ça qui était beau. Lolo, c'était une vie près de l'eau, finalement. C'était une vie au bord de l'eau. Lolo, lui, il vous racontait toutes les plantes de la garrigue. Hein. Il vous racontait toutes les pierres du chemin. Il vous racontait le fond de l'étang. Et là, il était plus fort que tout le monde. Lolo, il chassait des canards. Il vous faisait tous les bruits de canards. Le chant de la femelle, le chant du mâle, le chant des oiseaux. Il ramassait la salade de campagne. Il vous faisait la tisane. Là, il était champion du monde, Lolo. Et Georges aimait bien ces discussions. Alors, Lolo, il avait une pièce à la cabane où il y avait des plantes qui pendaient, qui faisaient sécher. Et alors à table, il nous disait, qu'est-ce que tu as? Ah oh, putain, Lolo, j'ai un peu mal au ventre. Ah, je vais te faire la tisane. Pour tout ce qu'on lui disait, il y avait une tisane. Voilà. Et Georges, ça, il aimait bien. Alors, qu'est-ce qu'il aimait? Il aimait les gros plats, vous voyez. Lolo, il faisait l'adobe, il aimait l'adobe. Il aimait la charcuterie, le saucisson. Il aimait le whisky. Il buvait quand même un bon whisky, là, tous les soirs. Et je vous dis, il était toujours dans l'eau. Alors, il chassait avec Lolo, avec le fusil de sous-marin. Et ils allaient en Arukaudau, à la nage, là, à l'île de Roquerolles. C'est une petite île au milieu de l'étang. Et les journées se passaient comme ça. Et moi, de temps en temps, il me disait, allez, descends-moi à 7, on va chez Simone, chez sa sœur. Alors, on allait chez Simone, à la corniche. Mais ce sont vraiment des années où il était déjà très connu, Brassens. Oui. Hein, c'est pas le tout début Non. Là, vraiment, c'était des années où il était très connu. Moi, je l'ai connu en 70. Hein. Oui. Il était très, très connu. 11 ans plus tard, il était très connu. Et il n'allait pas se balader comme ça à 7 en pleine journée. Non. Bon, Brassens adorait 7, il n'y avait pas de problème. Mais il allait se balader à 7 à 5 ou 6 heures du matin pour pas qu'on l'embête. Et comme ça, c'était vraiment un 5 à 7 là. Ouais, 5 à 7. Et là, il pouvait se balader sur les quais. Il pouvait... Sinon, c'était infernal. Moi, je peux vous dire, j'étais souvent avec lui. Les gens étaient toujours toujours à essayer de l'aborder. Toujours, voilà. On passe sous la gorge à tout. Propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau. Nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Vous avez vécu une relation finalement simple, enfin on pourrait dire, il y a un président qui l'a utilisé, mais une relation normale. Oui, une relation normale. Et comme Georges était, comme on dit, à 7 brave, il était très brave. Mais brave à 7, on l'emploie souvent. Mais ça a plusieurs consonances. Selon de la façon qu'on le dit, brave, ça veut dire quelque chose. Mais quand je dis Brassens, c'était brave, c'est la consonance de dire qu'il était gentil et qu'il n'avait jamais de mouvement d'humeur envers quelqu'un qui l'embêtait, vous voyez. Il avait un côté timide, Brassens. Il avait une petite voix. C'était un gentil, Brassens. Moi, je peux vous le dire. Voilà. Un doux, mais en même temps, il était... C'était un doux, mais physiquement... Oui, un doux dur, alors. Oui, mais il était dur dans quoi? Il était dur dans ses idées, quand il défendait ses idées, voilà. Mais dans les contacts avec les gens, c'était un gentil. Et vous avez bien connu Poupchen, donc, qui est enterré avec lui. Fatalement Poupchen à Paris, oui. Elle s'appelait en réalité Jo Hachmann. Donc elle était allemande. Et il appelait La Chenille. Il a donc elle avait 10 ans de plus que lui. Et elle était plus jeune, elle avait... Elle avait 10 ans de plus que lui. Elle avait 10 ans de elle plus que lui. Elle est morte 18 ans après lui. Voilà. Et donc elle a été ramenée dans le caveau de la famille Brassens, quand même quelques temps après elle, ça ne s'est pas fait tout de suite. Hein. Bon, nous on a été très contents que Joa vienne là, parce qu'elle le méritait, parce qu'ils ont, je ne dirais pas cohabité, parce qu'ils n'habitaient pas ensemble. Chacun habite son appartement, mais ils ont vécu 40 ans... ensemble, c'est la chanson « J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main hein. ». Mm-hmm. Mais ils ont été ensemble pendant 40 ans. Mais elle venait à 7 et avec lui chaîne, bon, moi je l'ai connue bien sûr chez Lolo avec Georges. Et puis quand Georges est mort, elle est venue deux ou trois fois par an sur sa tombe. Et là, elle venait nous voir à la cabane où elle allait à l'hôtel de la fille de Delpont. La fille de Delpont qui est sa filleule. Voilà. Et voilà. Et donc Poupchen a été rapatrié dans la même tombe que Georges Brassens, mais je vous dis quand même assez longtemps après. Un bon petit diable, là, là, j'ai l'âge. Mais toi, ballerine, non, est un bon petit diable. Là, là, j'ai l'âge, j'ai l'âge, et l'œil fond, et la bouche pleine de joyeux. Il vit Cendrillon, il lui dit bonjour, que Dieu te bénisse. La chasse au papier, il aura dit de guider sa cage, et sa robe neuve et ses bons chillons, et bras sur bras. vers les frais bontages. Il monte à la chasse aux champignons. Alors là, on vous sollicite, Jean, régulièrement pour parler de Brassens, mais quand on ne vous sollicite pas pour en parler, vous y pensez souvent à Brassens ? Mais fatalement, fatalement. Et non seulement moi j'y pense souvent, mais je l'écoute plus qu'avant. Je l'écoute parce que ces chansons, malgré que je les connaisse par cœur, j'ai un ami, là, justement, pas loin de nous, à la Pointe-Courte, qui s'appelle Tony Isoard, qui a très bien connu Brassens, et qui, lui, est un passionné. Lui, il connaît les 250 chansons par cœur. Moi, je les connais par cœur parce que je les ai tellement écoutés, mais des fois, j'ai une faille. Tony, non, Tony n'a pas de faille. Voilà. 250 chansons. Il en reste quelques-unes, hein. D'après Cazzani, il en reste quelques-unes. Il y a des images. Mais je découvre toujours des choses. Ouais. Et quelle est celle que vous fredonnez le plus souvent ? Ah, vraiment, je ne peux pas vous dire. Disons que il y a des chansons de Brassens qui me touchent plus que d'autres. Hein. Et paradoxalement, ce sont des chansons qui n'ont pas été écrites par lui. La plus belle de Brassens, ce sont les oiseaux de passage, pour moi. Enfin, parce que ça me ressemble. Ça parle de moi, là. Barbare terrible qui ne se mélange pas avec la société. Ce qui viendra de à vous, c'est leur fiante qui vous tomberont sur le nez, tout simplement parce qu'ils volent plus haut que vous. Parce que moi, je suis quand même comme Brassens, je suis assez rebelle, tout en étant inclus dans la société. Ce que Brassens n'était pas tellement... Bon, ben moi je suis par force dans la société, mais j'ai un côté rebelle comme Brassens. Et voilà pourquoi on s'entendait très bien. Au niveau politique, il était comme moi, il n'était d'aucun parti. Alors Brassens, vous allez me dire qu'il était connu pour être anarchiste, rien de plus faux. Georges Brassens n'a jamais été anarchiste. Georges Brassens était libertaire. Il était libertaire pourquoi ? Et encore, est-ce qu'il a été ? Il était libertaire parce que quand il habitait à l'impasse Florimont, chez Marcel Planche et chez Jeanne, Marcel Planche, qui était ouvrier carrossier, il était dans un groupuscule libertaire. Ce n'est pas anarchiste, c'est une petite différence. Il y a quelques petites choses qui diffèrent. Hein. C'est moins hard que les anarchistes. Et donc, ils avaient un petit journal qui s'appelle Le Libertaire. Vous pouvez le trouver sur Internet. Et comme Brassens était vraiment très versé dans la littérature, Marcel lui a demandé de venir écrire quelques articles sur ce journal. Et Brassens signait José Díaz. Ou Pépin Cadavre aussi, il signait. Et donc le fait d'avoir écrit sur ce livre et d'aller à quelques réunions, les journalistes, quand il est devenu célèbre, ils en ont fait des vaches grasses, hein, ils en ont fait un anarchiste. Mais il n'y a rien de plus faux, quoi. C'était accidentel et c'était libertaire. Il ne l'a jamais revendiqué par la suite. Mais il avait un côté, il rejetait un peu la politique comme moi, vous voyez. Il était, parce que ce n'est pas intéressant. Je ne fais pas le même accord, mais je les termine toutes de la même manière. Il avait une liberté dans l'écriture, en tout cas, hein, incontestablement, oui. Hein, qui a choqué à une certaine époque. Voilà. Il avait une liberté, il n'avait pas la langue de bois. Aujourd'hui, c'est très facile de ne pas l'avoir, parce qu'on peut raconter n'importe quoi. Mais à son époque... Mais c'était surtout très bien écrit. Voilà, voilà. Mais à l'époque, ce n'était pas facile d'écrire le gorille. Non, d'écrire, c'est vrai. C'était assez hard à l'époque. Parce qu'il y avait une lecture au second degré aussi. Au second degré. Mais enfin, le gorille n'était pas trop au second degré. Ouais. Et Brassens n'avait pas peur. Donc Brassens, il affrontait la censure. N'était pas trop l'ami de tous ces gens, là, les procureurs, la police, les gendarmes d'ailleurs, le marché de Brive-la-Gaillarde. L'autre fois, je regardais la télévision, il y avait une grosse émission sur Brassens. Alors, je ne vous dis pas que des fois on entend de grosses bêtises. Brassens, au sujet du marché de Brive-la-Gaillarde, ils interviewent devant la caméra le mec qui a le bistrot sur la place de Brive-la-Gaillarde. Et le mec, il lui dit, voyez, en face, là, c'est la maison où il habitait. Moi, j'étais mort de rire. Brassens n'a jamais habité à Brive-la-Gaillarde. Alors, vous trouverez des bouquins aussi où on vous dit que son père était un pauvre maçon. C'est pas vrai. Son père était entrepreneur de maçonnerie. Alors, c'était un patron. Voilà. En toute chose, il y a la belle histoire et il y a l'histoire. Des fois, et il y a la légende. Et la légende. Ça, c'est supérieur. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir bien connu tout ça, donc je peux raconter ce que j'ai connu. Hein. Alors bon, moi j'étais ami, alors je me disais, est-ce que tu es ami, est-ce que tu n'es pas ami ? Ça a duré 10 ans quand même. Bon, au début, on partait de la rue Saint-Jean-du-Mont, allez, ciao, à Lolo. Et bon, moi, je tendais la main, il me serrait la main, il embrassait ses Lolo. Bon, ça va. Et un jour, je me suis demandé si j'étais vraiment ami avec lui, comme il considérait. Mais il y avait des années qui étaient passées. Et un jour, en partant de sa maison, j'ai tendu la main, il s'est approché, il m'a embrassé. J'ai dit, ah, maintenant on est amis. Là, je suis ami. Voilà. Les amis de Georges étaient un peu anards. Ils marchaient au gros rouge et grattaient leur guitare. Ils semblaient tous issus de la même famille. Timides et paillards et tendres avec les filles. Ils avaient vu la guerre où étaient nés après et s'étaient retrouvés à Saint-Germain-des-Prés. Et s'il leur arrivait parfois de travailler, personne n'aurait perdu sa vie pour la gagner. Les amis de Georges avaient les cheveux longs. À l'époque, ce n'était pas encore de saison. Ils connaissaient Verlaine, Hugo, François Villon, avant qu'on les enferme dans des micro-sillons. Quittons à présent Jean Brunelin et partons retrouver Jeanne Corporon. Cet après-midi-là, de décembre, la météo n'était pas géniale à 7. Déjà lors de la visite de l'incontournable cimetière marin pour s'arrêter devant les tombes de Charles Péguy et de Jean Villard, il pleuvait. Mais cette pluie s'est transformée en averse de neige, couplée avec un vent fort. Et alors que je me lançais à pied dans l'ascension du Mont Saint-Clair, on n'y voyait plus rien. Heureusement, l'atmosphère était chaleureuse chez Jeanne Corporon, propice à partager des souvenirs de Brassens, ami d'enfance de son papa. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Quels sont, Jeanne Corporon, vos premiers souvenirs, enfin vos souvenirs de petite fille liés à Georges Brassens, enfin, quand vous remontez oui. Le plus loin possible? Le plus loin, alors le plus loin en effet, ce sont des souvenirs à la maison, chez mes parents, rue Lucien Salette, ici à 7 exactement. Georges venait très tôt le matin, parce que c'était quelqu'un qui se levait très tôt. Il aimait bien sortir, partir de la maison, donc il habitait chez sa sœur quand il était à 7. Mais il partait très tôt, des fois faire un petit tour sur la plage, à l'heure où il n'y avait personne. Et puis il venait à la maison. Moi je me levais, quand je me mettais au petit déjeuner, ben, j'avais Georges qui était déjà là avec mon père en grande discussion. Je prenais mon petit déjeuner, je les entendais, et puis moi je continuais à me préparer pour aller à l'école. Et vous l'appeliez comment Oh, Georges. Georges. Georges, oui, oui, toujours Georges. Pas tonton. Non, non, non, non, non, non, non. Il n'incitait pas à ce genre d'appellation, tout en étant très, très, très gentil. Ensuite, les autres souvenirs, c'est quand on arrivait à Crépierre, donc la maison qu'il avait dans la banlieue parisienne, et où on allait au mois de septembre. On passait là, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, et c'était immense. C'était une maison très, très grande, un ancien moulin. Il y avait un ruisseau, un bois, de l'autre côté du bois, une ferme où on allait le matin, des fois, chercher le lait. Et on s'amusait beaucoup. Et puis, il y avait une très, très bonne ambiance. J'y ai vu René Fallet. Donc, ça, avec, c'est grand ami. Oui, avec son épouse Agathe. Grand ami, oui, oui. Et c'était des parties de rigolade. Là, j'étais plus grande, et donc, bon, je comprenais mieux. Et c'était très, très drôle. Et puis, il y avait une chose aussi qui était merveilleuse chez Georges à Crépierre, c'est qu'il avait un grenier. Et ce grenier, en réalité, c'était une belle pièce. Ce n'était pas un grenier poussiéreux. C'était une très grande pièce et où étaient rangés tous les disques qu'il avait des autres chanteurs. Et qu'on lui offrait, que la maison de disques lui offrait. Et donc, il y avait la variété que nous, mon frère, ma sœur et moi, on écoutait à l'époque. C'est-à-dire, moi, j'écoutais Sheila, mon frère écoutait les Beatles. Et donc, il y avait tous ces disques-là. Il avait tout ça chez lui. Il avait tout ça chez lui, parce qu'il écoutait tout, Georges. Il écoutait tout et il gardait. Mais par contre, il nous disait, si vous voulez en prendre, prenez ce qui vous intéresse. Et nous, on était les plus heureux d'écouter ces disques-là dans ce grenier et puis d'emporter quelques souvenirs. Moi, ça, je voudrais vous poser une question qui va paraître complètement idiote, c'est probable. Mais tout ça fait rien, je le fais quand même. Vous êtes entouré d'une certaine légende de côté Bougon, de côté Ronchon, de oui, côté... Ça, c'est le public, c'est une légende qu'on vous a faite ou est-ce que ça a quelque chose de... Il doit y avoir sans doute un fondement quand même, ça doit se baser sur quelque chose. Je pense qu'à mes débuts... N'étant pas tellement destiné à passer en public, j'ai eu des difficultés quoi, qui ont fait que, en somme, j'avais un trac un peu un peu excessif. Quoi. Ça, vous étiez un peu réservé, et les gens ont mis ça oui, sur... Oui, je ne m'étais jamais habitué à l'idée de passer. Je ne m'étais pas préparé à l'idée de passer en public, ce qui fait que quand je me suis trouvé dans le public, j'étais un peu pris de court, et naturellement, je suis devenu ce que l'on appelle un sauvage, que je n'étais pas tellement. Autrement dit, la musique, était-elle très présente? J'ai vu des photos de lui à 7 avec une guitare. Est-ce qu'il prenait la guitare, il jouait? Vous avez des souvenirs de ça? Il ne le faisait pas systématiquement. Non. Bon, il aimait bien le faire quand il y avait, mettons, 2-3 personnes, les amis vraiment intimes. Bon, il le faisait devant mon père, il le faisait... Peu ambiance, les amis de Georges. Oui, c'est vrai qu'il le faisait, mais un petit comité. Il ne l'aurait jamais fait autour d'une table, à un repas où il y avait du monde, ou à un mariage auquel il allait rarement. Nous, on a eu la chance qu'il a assisté... À votre mariage. Oui, au mien, celui de ma sœur, de mon frère. Mais c'était vraiment exceptionnel. Mais là, il ne fallait surtout pas lui demander de chanter. Non, c'était quelque chose qu'il n'aurait pas fait. Non, des fois, c'est vrai qu'il grattait un peu la guitare et il entonnait une de ses nouvelles chansons. C'était uniquement dans ce contexte-là, quand il venait d'écrire une chanson, qu'il disait, tiens, je vais te composer ça, qu'est-ce que tu en penses ? Voilà. Ça, il le demandait à mon père, je suis sûre qu'il le demandait à René Fallet également, à Georges Granier, son cousin, bien sûr. Tester sa chanson, finalement. Voilà, exactement. Oui, mais il savait déjà qu'elle était bonne. Hein. Voilà. Mais il s'amusait à voir la réaction des amis. Donc, c'était uniquement dans ce contexte-là qu'il pouvait un petit peu chanter. Mais par contre, c'est vrai aussi que quand on était à Crépierre, ma sœur et moi, nous dormions dans une chambre qui était pas loin de sa chambre à lui. Et le matin, très tôt, on l'entendait. Mais lui, il était tout seul dans sa chambre et il composait. Et on entendait, et là, Georges jouait de la guitare. J'allais vous demander si effectivement vous le voyiez travailler. On ne le voyait pas, on l'entendait. Travailler. Tôt le matin, on l'entendait, parce que Georges se couchait tôt le soir. Je le revois, il prenait sa bouteille d'eau pour la nuit, il montait au premier étage et il allait dans sa chambre. Et il partait vraiment très tôt le soir. Et puis le matin, de bonne heure, à partir de 4-5 heures du matin, il commençait à gratter la guitare. Et là, on l'entendait. C'est vrai, ça, on entendait un petit peu. Il semble bien que la plupart des hommes n'aient pas besoin d'être différents les uns des autres, alors que ce qui est important chez un être auquel, chez un autre que soi-même, c'est les différences. Ce qui peut nous plaire dans un autre, c'est qu'il est différent de nous. Il semble que les hommes n'en aient plus besoin. Mais peut-être même, est-ce par accident qu'ils ont été différents les uns des autres, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'être autrement. Dans vos chansons, vous avez l'impression si peu que ce soit d'apprendre quelque chose peut-être à ceux qui vous entendent et de les écarter justement de ces dangers dont nous parlons. Ceux qui ont besoin d'un professeur, comme disait l'autre, en cas de passant, mais les noms, je ne pense pas apprendre grand-chose à quiconque. Je pense par mes chansons arriver à faire passer des moments agréables à des hommes, mais c'est quand même pas rien ça. Pour expliquer, Jeanne, donc votre papa, c'est vraiment un ami de... Tout mais à alors, fait. De petite enfance. Oui, de petite enfance. De Georges Brassens. Après, bien sûr, bon, ils étaient au collège ensemble. Ils ont donc, continué Henri la scolarité. Delpont. Henri Delpont, oui. Georges et mon père ont conservé une amitié toute la vie, jusqu'à la mort. Georges était très attaché à certains de ses amis sétois, dont Victor Laville. Ça, c'est un monsieur alors, qui vit toujours. Victor Laville, dans ton oui, bavarde, hein. Bien sûr. Victor Laville vit toujours. Victor Laville a eu une brillante carrière à Paris Match, où il était dessinateur. Il y avait la filière sétoise de oui, Paris Match. Oui, hein, tout à fait. Roger Théron, etc. Roger Théron, c'était... Oui, Victor Laville était au départ un ami de Roger Théron. Mais s'il est rentré à Paris Match, c'est aussi par son talent, parce que c'était un très bon dessinateur, journaliste, rédacteur en chef. Donc, il a fait une brillante carrière à Paris Match. Mais la distance physique n'empêchait pas Georges d'être très proche de mon père Henri. Quand on a eu le téléphone dans les années 70, c'est vrai qu'il téléphonait très, très souvent. Et puis on se voyait. Il venait de temps en temps à 7. Nous, on allait régulièrement à Paris et toujours chez lui, bien sûr. Mais est-ce que votre papa vous en parlait en dehors des moments où vous voyiez Il en parlait beaucoup. Enfin, des souvenirs de gamins aussi, ils ont fait un peu les 400 quelques cours, souvenirs. Enfin, il évoquait quelques souvenirs. Oui, quand ils allaient promener dans 7. En plus, c'était des jeunes qui aimaient beaucoup la chanson, le cinéma. Ils étaient dans leur monde, dans leur rêve. Ils n'avaient qu'une envie, c'était monter à Paris. Monter à Paris. Voilà. Donc, c'était ce qui les motivait tous. Et votre papa est monté aussi, d'ailleurs, à un Mon moment papa donné. Est monté, mais... Il est redescendu. Mais il est redescendu parce qu'il avait déjà ma maman dans le cœur et... c'était dur l'éloignement pour lui. Tandis que Georges, lui, n'avait pas d'attache de cœur. C'est vrai que sa vie, c'était vraiment la création, enfin, la chanson, ce qu'il écrivait. Et donc, tout cela avait pris le pas sur le matériel. Et il arrivait à se passer de tout s'il arrivait à écrire. Chez Jeanne, la Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu, s'il n'en existait déjà une, la dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche. Jeanne, précisons Jeanne, bah, votre prénom Jeanne, c'est un prénom très Brassens. Hein. Oui, tout à fait. Donc, si on dit brassensien, mais en tout cas... Je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais c'est vrai que ma marraine étant Jeanne, la Jeanne, à qui Georges rend hommage dans ses chansons et qui a été très présente dans sa vie, qui a été... très, très importante. Jeanne, c'est l'impasse Florimond. Voilà, Georges, donc au départ, à Paris, a été accueilli par sa tante. Et puis, donc, c'est Jeanne qui a pris le relais. Et Georges a vécu chez Jeanne jusque dans les années 60, alors qu'il avait déjà le succès et qu'il aurait pu se payer vraiment bel appartement, un confort de vie. Mais il était bien, il était détaché, comme je vous dis, des contingences matérielles. Et puis, il y avait Jeanne. Jeanne, il y avait un attachement très fort pour Jeanne. Et puis, c'était une femme, une maîtresse femme qui tenait son monde. Donc, Jeanne, c'était votre marraine. Voilà, c'était ma marraine. Voilà, j'avais d'abord compris que c'était Georges, votre parrain. Non, c'est pas ça, c'est Jeanne, votre marraine. Non, voilà, c'était Jeanne, ma marraine. Ouais, c'est ça. Non, Georges et mon père étaient très amis. Et c'est par là que, voilà. Jeanne est devenue ma marraine. Elle est décédée en... Elle est décédée en 68. Oui, 67-68. Je pense 68. Et son mari, c'était ? Marcel. Marcel. Mmh. Oui. Elle s'était remariée à la... Elle s'était remariée, oui. À la fin de sa vie, ouais, avec quelqu'un de très jeune. Hein, un peu plus jeune, oui. Un peu plus jeune. Oui, enfin, oui, très jeune. Oui, très jeune. Par rapport à elle, oui, tout à fait. Oui, vous gardez quel souvenir ? Donc, une femme de caractère. Oui, une femme de caractère, voilà. Mais je l'ai très peu connue. Oui, très peu connue, je me doute bien. Très, très peu connue. Vous avez bien davantage connu Pupchen, hein. Oh, ben bien sûr, oui, oui. Bien sûr, Pupchen, je l'ai beaucoup fréquenté, donc du temps de Georges. Et puis quand Georges est décédé, mon père était mort un an avant. Et Pupchen, ils sont partis. Ils ont été malades ensemble. C'est curieux, les hasards de la vie. Donc quand Georges est mort, Pupchen revenait régulièrement à Sète. Et c'est vrai qu'elle logeait ou chez Victor ou chez moi tout le temps. On était très liés. Elle, vous la verrez après la mort de Georges Brassens, effectivement. Et elle était, alors vous parliez de caractère, de tempérament fort, caractère pour Jeanne. Et elle était comment, Pupchen ? Elle qui avait donc 9 ans de plus que Georges Brassens. C'était une femme de caractère également, aussi. Mais qui savait... Elle est née en Estonie. Oui. Et elle a gardé toujours son petit accent. Elle avait vraiment su... trouver sa place auprès de Georges, ce qui n'était pas facile. Et il y avait entre eux un fonctionnement vraiment parfait. Ils ne vivaient pas ensemble, puisque bon, Georges n'était pas pour le mariage. Mais finalement, Pupchen était bien comme ça aussi, parce qu'elle avait sa petite vie indépendante. C'était une femme très indépendante. Et elle aimait aller au cinéma l'après-midi, voir des amis... Et alors qu'avec Georges, elle ne pouvait pas sortir dans Paris, ce n'était pas possible. Donc, cette indépendance lui allait très, très bien. Ils passaient des week-ends ensemble, les vacances. Quand on était à Crépierre, Pupchen était toujours là. En plus, c'était quelqu'un qui ne cuisinait pas à Pupchen. Donc, ce n'était pas la maîtresse de maison, par contre, idéale. Elle avait d'autres qualités. Mais Georges n'était pas attaché à tout cela. Mais Jeanne, la Jeanne, ne s'en soucie pas plus que de Colin Tampon. Être mère de trois poules piquées, à quoi bon? Quand elle est mère universelle, quand tous les enfants de la terre, de la mer et du ciel sont à elle. Vous vous souvenez, Jeanne, comment vous avez... pris conscience, enfin progressivement, de l'importance de Georges Brassens, à la fois dans la chanson française, mais comme personnalité française. Oui, hein. Je m'en suis rendu compte déjà quand au collège, j'avais des amis de classe qui des fois m'en parlaient. Je n'accordais pas plus d'importance, mais on commençait quand même à m'en parler quand on a 13 ans, 14 ans. Et puis j'ai vu un soir un tour de chant à la télé. Alors évidemment, mes parents l'ont regardé. Et je l'ai regardé. Et là, je me suis rendu compte. Et ça m'a fait drôle. Quelque temps après, au collège, on a eu un texte à apprendre, à travailler. Pauvre Martin a travaillé donc en français. Et là, tout d'un coup, j'ai réalisé. Mais ça n'a jamais changé. Non, bien sûr. Voilà, ma relation. Mais c'est vrai que j'ai réalisé quand même que j'avais beaucoup de chance. Ouais, parce que bon, beaucoup de ces toits connaissaient Brassens, enfin de près, de loin, ou pas tant que ça finalement. Pas tant que ça finalement, pas tant que ça. Bien sûr, on le voyait passer. En plus, quand il arrivait avec sa déesse noire, on le reconnaissait. Il avait un physique très reconnaissable. Mais il ne se promenait pas tellement dans la rue. Alors bien sûr, des gens l'ont connu quand il était jeune. Mais quand il était jeune, c'était un jeune comme un autre. On n'y accordait pas plus d'importance qu'à un autre, voilà. Et il est parti tôt. Très connu, quand il revenait ici, et il revenait quand il était très connu, bah là, il était plus discret. Il était très discret. Il y avait donc le copain Lolo. Oui, bien sûr, voilà. Mais donc, il avait son circuit de copains. C'est ça. Voilà, Lolo. Victor Laville habitait Paris à l'époque, donc il ne le côtoyait pas. Parce que c'est vrai qu'il avait les amis de Sète et les amis de Paris. Bon, Victor Laville faisait partie des amis de Sète, mais il a habité Paris comme Georges. Mais après, Georges s'était fait un groupe d'amis sur Paris, par son métier. Oui. Mais qui étaient devenus, pour certains, de vrais amis. Comme par exemple René Fallet, voilà, Lino Ventura. Là, c'était des vrais. Oui. Après, il y en a eu d'autres qui gravitaient autour. Mais Georges savait très bien faire la distinction, qui étaient les proches. Même s'il semblait les considérer comme des amis, on savait, il nous en parlait, on savait très bien qu'il voyait clair. C'est ça. Voilà, il était très lucide. En plus, on est sur le Mont-Clair, donc on voit encore plus clair ici. Enfin, le Mont-Saint-Clair. Saint-Clair, pardon. Saint-Clair. Voilà. Mais après, il a toujours eu ses amis de Sète. Ses amis de Sète, il y en avait quelques-uns. Il y avait Lolo. Bon, il y avait mon père, bien sûr. Il y avait bien sûr Granier, Cocotte, le cousin, là, éternel. Jeannot Brunelin, bien sûr. Mais Jeannot, lui, est parti, a beaucoup travaillé sur l'extérieur, l'étranger, il a beaucoup voyagé. Donc, il n'était pas tout le temps là. Il allait le voir même à Paris, vous voyez, mais il n'était pas tout le temps à Sète. Mais quand Georges venait, il avait son circuit, c'était bon, mon père, Lolo, et voilà. Et puis bon, Batista également, Eric Batista. Qui lui est resté très proche de lui jusqu'à la fin, oui, oui. Vraiment. Et sa sœur aussi Oui, sa sœur, bien sûr. Sa sœur, son mari, son fils, Serge, le neveu, qui gère donc tout ça, tous les biens. Prince des Monts en l'air et de la Cambriole. Toi qui eus le bon goût de choisir ma maison, cependant que je colportais mes gaudrioles, en ton honneur j'ai composé cette chanson. Sache que j'apprécie à sa valeur le geste qui te fit bien fermer la porte en repartant, de peur que des rôdeurs n'emportassent le reste. Les voleurs comme il faut, c'est rare de ce temps. Suite et fin de ce second 5 à 7 avec des amis de Georges, Jeanne Corporon est la fille d'Henri Delpont, l'un des quelques amis très proches et d'enfance de Brassens. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux. Votre papa dirigeait le théâtre, c'est ça ? Oui. Alors, mon papa donc était au départ, il était donc le secrétaire du directeur du théâtre. Puis ça a été vraiment son bras droit, et il a fini par diriger le théâtre, les théâtres, parce qu'à l'époque, le théâtre Molière était théâtre municipal géré entièrement par la ville, donc par mon père. Et le théâtre de la mer, théâtre Jean Villard, était également géré par la ville. Vous l'aviez vu à cette, donc vous étiez très jeune, mais en 73, je crois, oui, donc son dernier bien passage sûr, au théâtre bien de sûr. Sète. Il a fait deux journées, il a fait une soirée et une matinée. Et une matinée, bien sûr, je l'ai vu. Il a fait la matinée d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il a laissé la recette à la ville de Sète par rapport à mon père, justement, parce que mon père se plaignait que le théâtre avait très peu d'argent et qu'il fallait changer le rideau du théâtre. Et donc, Georges a laissé sa recette pour qu'on puisse changer le rideau du théâtre. Ce qui a été fait. Et en 73, c'est donc son dernier passage sur c'est scène son dernier à Sète. À Sète, oui, c'est son dernier passage. Il a bien connu Jean Villard aussi, votre papa ? Il l'a connu. Il l'a bien connu. Non. C'était pas pareil, enfin, je veux dire, Sète par rapport à ses enfants célèbres, disons. Non. Bah, Henri Colpi. Ah oui, Henri Colpi. Henri Colpi, il n'était pas de Sète, mais il a fait ses études à Sète. Donc, il était au collège Paul Valéry. Là, il a bien connu mon papa et Georges. Ça, oui. De célèbres, il y a eu Pierre-Jean Bayard. Mmh. Là aussi, bon. Donc là, on est dans les cabarets. Ah enfin, oui, cabaret. Mon père l'a bien connu, Pierre-Jean Vaillard. Et vous êtes comédienne alors Oui, je suis comédienne. C'est vrai que mon père rêvait de jouer la comédie. Et moi, ben, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Donc, je fais du théâtre. Et puis, j'ai eu quelques rôles dans des films. Vous êtes dans des films d'Abdelatif Kechiche, notamment. Abdelatif Kechiche, ça a été une magnifique expérience, d'ailleurs. Dans La Graine et le Mulet, Tournée à 7. Oui, Tournée à 7, où je joue une banquière. Oui. Mais alors, et tournée dans ce fameux téléfilm sur Brassens. Oui. Notamment la jeunesse hein, de Oui, tout à fait, c'était la jeunesse, puisque c'est jusqu'au début de à Patachou. Voilà, oui, ça s'arrête à Patachou. Donc c'est un téléfilm qui a été tourné par Gérard Marx avec Stéphane Rideau dans le rôle de Brassens. Oui, qui est excellent, excellent. Ça a été très très bien tourné. C'est curieux, non ? C'est pas curieux de jouer dans une fiction quand c'est très curieux. La réalité qui est la vôtre que vous avez reconnue. Surtout, mais surtout ce qu'il y avait de très curieux, c'est que donc il y avait un personnage qui incarnait mon père jeune. Et alors fait du hasard extraordinaire, ils ont pris un comédien qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Ah oui. Donc vous voilà face à votre père. Voilà. Exactement. Et ça, c'était très curieux de jouer quelque chose où il y avait mon père au milieu. Voilà. Puis c'était bien de faire la vie de Georges. Alors, Brassens, il s'est attaqué un plus petit. Ça, je supporte pas. Ça m'intéresse pas, tes histoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton carnet. Nul, nul, nul et nul. T'as pas rangé, monsieur. Vas-y, c'est ça. Prends-moi pour une bille en plus. T'as quel âge ? 18. 18 ans ? Et c'est quoi ton avenir ? Un pauvre type ? Un raté ? Ou un mec qui prend son avenir en main ? Je te demande même pas de bosser. Mais juste de te bouger un peu, bon sang. Tu vaux tellement mieux que ça. Je suis désolé, monsieur Bonafé, mais dès qu'on m'impose un truc, j'ai plus envie de le faire. Ah ouais ? Et si la plus belle fille du monde te disait « embrasse-moi », tu lui répondrais « je suis désolé, je peux pas, j'aime pas qu'on me donne des ordres ». François Villon. Un beau voyou qui avait du talent, lui. Alors, je t'en donne pas de le lire. Je te le conseille vivement. La mort de Georges Brassens, ça a été un choc immense à 7. C'était attendu. C'était attendu. De toute façon, on savait qu'il était malade. On savait qu'il était malade. Moi, je savais qu'il était vraiment très, très mal. Quand mon père était malade un an plus tôt, surtout quand mon père est mort, quand mon père était malade, il téléphonait tous les jours pour savoir où il en était. Quand mon père est mort, il n'a pas pu venir tellement qu'il était mal. Il était hospitalisé et il ne pouvait pas venir. Donc, c'est vrai qu'on s'y attendait. Mais on a beau toujours s'y attendre, c'est un coup dur. C'est une grande perte, Georges Brassens. Pas que pour la ville. Ouais. Mais c'est vrai qu'à 7, ça a été, ça a été une grosse perte. Petite fille, vous écoutiez Sheila. Mais aujourd'hui, est-ce que vous continuez à écouter souvent Brassens ? Est-ce que là, oui, chez vous, dans votre maison, est-ce que bon là c'est silencieux, mais est-ce que si on arrive comme ça à l'improviste, il peut y avoir un CD de Brassens qui tourne. Enfin, tout à fait, je l'écoute. Oui, je continue à l'écouter. J'écoute autre chose aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je continue à l'écouter. Oui, oui. Ah oui, je ne peux pas m'en passer. Vous connaissez ces chansons par cœur ? Enfin, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup. Mais pas, voilà. Celle où il y a Jeanne, d'ailleurs. Beaucoup, mais pas toutes. Mais non, je ne peux pas m'en passer de l'écouter. J'aime toujours. Puis je vais au spectacle, je vais écouter les autres qui chantent Brassens. Ouais. Parce que j'aime, je suis curieuse de voir comment les autres le ressentent et l'interprètent et se l'approprient. J'aime beaucoup aussi voir d'autres personnes le chanter, même si je trouve qu'évidemment, c'est lui qui le chante le mieux, Brassens. Mais j'aime aller voir le spectacle des autres. Donc là, on domine 7 depuis chez vous, sur cette colline de Mont-Saint-Clair. Votre attachement, pour vous, il n'y a pas de vie possible hors de 7 ou si ? Si, bien sûr, mais j'aime ma vie. C'est toi, j'ai rencontré à la Pointe-Courte, c'est toi qui n'as jamais quitté 7. Enfin, non, mais ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Il n'a même peut-être jamais quitté la Pointe-Courte. Ah oui, c'est ça, c'est ce qu'on a ajouté. Peut-être jamais parce même que, quitté la Pointe-Courte. En plus, oui, ils disent, pourtant la Pointe-Courte est un quartier de 7, mais quand ils vont en ville, ils disent on va à 7. Oui. Assez curieux. Non. Moi, d'ailleurs, j'ai vécu également à Toulouse où j'ai fait mes études, puis à Paris aussi quelques années. Mais ici, bon, c'est une ville agréable. Il y a une qualité de vie. Et on y est bien. Puis, ça bénéficie de l'apport de gens nouveaux. Et ça, c'est bien aussi. Il y a des gens qui viennent de partout maintenant, qui s'installent à 7. Et ça permet de renouveler un petit peu et de s'ouvrir au monde extérieur. Nous sommes le 29 octobre 1981, la France perd l'un de ses plus grands artistes, poète, écrivain, compositeur, Georges Brassens aura marqué à jamais la chanson française. Personnage d'une immense discrétion, il aura créé un style à part, associant des textes très poétiques à des mélodies simples. Avec Jeannot, avec Jean Brunelin, on a parlé de la macaronade. Mais est-ce que Brassens aimait la macaronade? Est-ce que vous avez des souvenirs de ses goûts? Oui, alors les goûts de Brassens. Bon, c'était pas un fin gourmet. Il aimait beaucoup les pâtes. D'ailleurs, avec Lino Ventura, il se faisait des plats de pâtes. Lui, c'était un spécialiste de la cuisine des pâtes. Il aimait les pâtes. Après, c'était quelqu'un qui mangeait vraiment... Il mangeait du saucisson avec du pain, du fromage. Enfin, il aimait bien simple. Ça. Très, très simple. Très, très simple. Il ne faisait pas de la cuisine des repas un point très, très important, c'est vrai. Mais il aimait beaucoup les pâtes. Voilà. Il aimait la cuisine simple, traditionnelle, qu'il mangeait chez lui. Il était d'origine italienne. Alors quand même, les pâtes, c'est important. Oui, bien sûr. Mais j'ai le souvenir, par exemple, quand on partait en tournée avec lui, le soir, on se retrouvait, on n'allait pas tout le temps au restaurant. Des fois, on mangeait dans la caravane qu'il y avait à côté. Et on mangeait du pain avec du saucisson, du fromage. Voilà. Des fois, on allait au restaurant, mais ce n'était pas ce qu'il appréciait le plus. Non. Ouais, c'était plutôt les personnes avec qui il était. Voilà, on restait là dans la caravane et on mangeait du pain avec du saucisson. Qui aurait cru que Brassens se nourrissait comme ça après un tour de champ? Vous avez suivi un peu les tournées, oui, c'est ça? Oui, ça nous est arrivé de suivre. C'était très, très, très bien. Et aussi. De voir aussi les relations avec le public et une véritable dévotion, je suppose. Oui, et puis quand il avait fini son tour de champ, qui était très fatigant, parce que quand même il faut rester sur scène... pendant presque 2 heures, le pied sur une chaise, dans cette position, comme ça, immobile, il avait toujours un moment avec son public. Il dédicaçait. Ce sont des choses qui se font un petit peu moins maintenant. Mais lui, il respectait la tradition et ça lui faisait plaisir de voir son public. J'en demande pardon par avance à Jésus, si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquence. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort. En vacances. Est-ce que tout ce qu'on dit, enfin, tout ce qu'on peut voir dans les documentaires, etc., tout semble plutôt juste par rapport à la vie de Brassens, enfin, quand vous regardez Bon, il y a toujours... Il y a des choses qui sont rajoutées, mais en gros, oui. Bon, c'est pour dire que finalement, on ne sait pas grand-chose, parce qu'il n'avait pas une vie mondaine, pas du tout. Donc, souvent, les journalistes ou les écrivains ont essayé de broder à partir de sa vie, qui était une vie simple. Il vivait comme quelqu'un qui avait un travail ordinaire, sauf qu'évidemment, c'était un personnage extraordinaire, mais il vivait simplement. Bien sûr, il n'avait pas par exemple, sa vie de couple n'était pas une vie de couple courante, puisqu'ils ne vivaient pas ensemble. Mais aucune des deux, d'ailleurs, que ce soit avec Jeanne, c'était, il y avait... Voilà. Mais ceci dit, il vivait très simplement. Très simplement. Mais à son rythme, à lui. C'est-à-dire, bon, il aimait se coucher tôt, se lever tôt. Il aimait bien recevoir les copains. Il ne sortait pas énormément. D'abord, il n'avait pas envie d'être embêté quand il sortait. Et puis, il était bien chez lui. Et les copains venaient chez lui. René Fallet venait. Donc, les potes, les copains, c'était important. Voilà, c'était important. Et ses chats. Ah, et les chats. Et les chats, bien sûr, qui courent, criquet, le perroquet. À un moment, il y avait un chien, également Crépière, il y avait un chien, Kafka. Bon, il aimait tout ça. Et il ne lui en fallait pas plus pour être heureux. Il avait ses chansons. Bon, ça, c'était bien sûr, ça c'était l'essentiel, sa création. Et après, à côté de ça, il avait les amis, il avait son petit monde. Et puis, de temps en temps, venaient s'y greffer d'autres personnes. Mais bon... pendant quelques temps, voilà. Mais c'est pas quelqu'un qui avait besoin de sortir, il avait pas besoin d'aller au théâtre, ou au cinéma, ou dans les restaurants. Voilà. Donc, non, les voyages, il n'aimait pas. Il n'aimait pas prendre l'avion. Il n'était pas très curieux de connaître les voyages. Ouais. Il était vraiment dans son monde de création. Il a peu voyagé. Il est allé en Angleterre, au Canada. Au Canada. Mm-hmm. Non, pas aux États-Unis, au Canada. Il est allé en Angleterre et, si mes souvenirs sont exacts, en Belgique. Mais il n'a pas fait grand-chose. Non, il n'a pas fait le tour du monde alors qu'il aurait pu. Quelqu'un comme lui aurait pu se le permettre. Mais non, c'était pas... Lui, il aimait bien être chez lui et recevoir les copains. Ouais, voilà. Il arrivait à 7, il aimait bien venir là chez les copains, chez mon père, aller dans la cabane de Lolo, en toute simplicité, aller sur son bateau, son petit bateau. Là, c'est pareil, il n'a pas cherché à avoir un bateau, un gros bateau. Il se contentait son petit bateau, il plongeait, pêchait des coquillages, il était bien. Voilà, il suffisait qu'il y ait une bonne ambiance, que ce soit tranquille, qu'il ne soit pas poursuivi par les photographes, que... Voilà. Donc c'était sa tranquillité. Alors on n'a pas pu raconter tellement de bêtises parce qu'il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas eu une vie mondaine. Et son bateau, qu'est-ce qu'il est devenu ? Son bateau, c'est son neveu qui en a hérité. Voilà. Vous le voyez, son neveu ? Oui, je le vois, des fois je le croise, mais c'est quelqu'un de très discret. Aussi. Très très discret, oui. Est-ce que c'est un hommage, enfin je ne sais pas si vous parlez d'hommage, mais Jeanne... que vous êtes venu vous installer dans ce chemin de la pipe ici, sur les hauteurs de cette... Parce que Brassens, c'est sa pipe, c'est... C'est vrai, mais c'est un hasard, un pur hasard. C'est le hasard, puisque donc c'est un terrain qui appartenait à la famille de mon mari. Mais c'est vrai qu'on pourrait le penser. Oui, non, c'est un pur hasard. Fin de ce second 5 à 7 consacré à Brassens avec deux amis de Georges. Grand merci Jeanne Corporon et Jean Brunelin. Suivez le guide, a été préparé avec la complicité de Marie-France Parra, chargée des relations presse à l'Office de tourisme de Sète. Réalisation Romane Feocchio. Le site de l'Office, tourisme-sète.com.